Rudyard Kipling, La porte des 100 000 peines. Ceci n'est pas un morceau dont le mérite me revienne. Mon ami, Gabriel Miskita, le métis, me le raconta d'un bout à l'autre entre le coucher de la lune et l'aube, 6 semaines avant de mourir, et je le recueillis tel quel de sa bouche, à mesure qu'il répondait à mes questions. Voici. C'est entre l'impasse des chaudronniers et le quartier des marchands de tuyaux de Houka, à 100 mètres tout au plus à vol d'oiseau, de la mosquée de Wazir Khan. Je dirais cela à n'importe qui, mais je le défie de trouver la porte, si bien qu'il pense connaître la ville. Vous pourriez explorer 100 fois l'impasse même où elle s'élève, et n'en savoir pas plus long. Nous appelions l'impasse de la fumée noire, mais il va sans dire que le nom indigène est tout à fait différent. Un âne chargé ne pourrait passer entre les murailles. Il y a un endroit, juste avant d'atteindre la porte, où une façade fait ventre et force les gens à marcher tous de côté. Ce n'est pas une porte, en somme, c'est une maison. Elle appartenait d'abord au vieux Fung Ching, il y a de cela 5 ans. Il était cordonnier à Calcutta. On dit qu'il avait assassiné sa femme un jour qu'il était ivre. C'est pourquoi il renonça au rhum du bazar et se mit à la fumée noire. Plus tard, il remonta vers le nord, vint ici et ouvrit la porte qu'il installa sur le pied d'une maison, où l'on pourrait fumer au calme et en paix. Remarquez-le, c'était une fumerie pouka, respectable, non pas un chandoukana, un de ces fours étouffants, comme on en trouve partout dans la ville. Non, le vieux connaissait son affaire à fond, et il était très propre pour un chinois. C'était un petit bonhomme, pas beaucoup plus de 5 pieds de haut, borgne, et qui avait perdu le doigt du milieu à chaque main. Et cependant, l'homme le plus adroit à rouler des pilules que j'ai jamais vu. Avec ça, jamais l'air d'être touché non plus par la fumée, et ce qu'il en prenait, pourtant, jour et nuit, nuit et jour, c'était à faire peur. Je m'y suis mis depuis 5 ans, et je peux tenir tête pour cela à n'importe qui. Mais j'étais un enfant sous ce rapport auprès de Fung Ching. Malgré cela, le vieux se montrait âpre au grain, très âpre, et c'est une chose que je ne peux pas comprendre. J'ai entendu dire qu'il avait amassé pas mal avant de mourir, mais c'est son neveu qui a tout cela maintenant, et le vieux est retourné en Chine pour se faire enterrer. Il tenait la grande chambre du haut, où ses meilleurs clients se réunissaient, aussi propre qu'une épingle neuve. Dans un coin, il y avait le bon Dieu de Fung Ching, presque aussi laid que Fung Ching lui-même, toujours avec des bâtonnets d'encens qui lui brûlaient sous le nez. Mais on ne les sentait plus quand les pipes marchaient. En face du bon Dieu se trouvait le cercueil de Fung Ching. Il avait dépensé pour cela une bonne partie de ses épargnes, et toutes les fois qu'une nouvelle personne venait à la porte, on ne manquait jamais de le lui présenter. Il était laqué noir avec des écritures rouges et or dessus, et j'ai entendu dire que Fung Ching l'avait apporté d'aussi loin que de Chine même. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais je sais que les soirs où j'arrivais le premier, j'étendais ma natte au pied. Voyez-vous, c'était un coin tranquille, et une sorte de brise, de temps à autre, arrivait de l'impasse à travers la fenêtre. En dehors des nattes, il n'y avait pas d'autres meubles dans la chambre. Rien que le cercueil, et le vieux bon Dieu, tout vert, violet et bleu d'usure et d'âge. Fung Ching ne nous dit jamais pourquoi il appelait sa maison la porte des 100 000 peines. C'est le seul chinois de ma connaissance qui inventa des noms malsonnants ou tristes. La plupart sont du genre fleuri, comme on peut voir à Calcutta. Il nous fallait trouver cela nous-mêmes. Rien ne prend plus d'empire sur vous quand on est blanc que la fumée noire. Un jaune n'est pas bâti de même. L'opium ne lui fait presque rien, mais les blancs et les noirs en souffrent beaucoup. Sans doute, il y a des gens que, pour commencer, la fumerie n'affecte pas plus que ne le fait le tabac. Ils font un petit somme, tout comme on s'endormirait d'un sommeil naturel, et le matin suivant, ils se réveillent, presque dispos pour le travail. Moi qui vous parle, j'appartenais à cette sorte au commencement. Mais voilà 5 années que je ne fume pas mal régulièrement, et c'est tout différent aujourd'hui. J'avais une vieille tante là-bas du côté d'Agra qui me laissa quelque chose à sa mort. à peu près 60 roupies par mois. 60, ce n'est pas beaucoup. Je me rappelle un temps, il me semble qu'il y a des centaines d'années, où je gagnais mes 300 roupies par mois, sans compter les petits profits, quand je travaillais pour le compte d'une grande entreprise de bois à Calcutta. Je ne restais pas longtemps dans ce métier-là. La fumée noire ne permet guère d'autres besognes. Et bien qu'elle ait peu d'action sur moi, je ne pourrais plus, aujourd'hui, du train où vont les choses, faire une journée de travail pour sauver ma vie. Après tout, 60 roupies, c'est tout ce qu'il me faut. Quand le vieux Fung Ting vivait, il touchait l'argent pour moi, m'en donnait environ la moitié pour vivre, je mange très peu. Quant au reste, il le gardait. J'avais mes entrées à la porte à tout instant du jour et de la nuit, et je pouvais y fumer et dormir tant que je voulais. Le reste ne m'importait guère. Je sais bien que le vieux y gagnait, mais qu'est-ce que cela fait? Rien ne me fait beaucoup. Et en outre, l'argent arrivait toujours et sans interruption, chaque mois après l'autre. Nous étions 10 à nous rencontrer à la porte lorsqu'on ouvrit la fumerie. Moi, deux babous d'un bureau de l'État quelque part dans Arnaculi, mais ils se firent saquer et ne pouvaient plus payer. Il n'est pas d'homme obligé de travailler le jour qui puisse continuer longtemps la fumée noire. Une femme du bazar, qui avait des tas d'argent, on ne sait trop comment. Un vagabond anglais, Mac quelque chose, je crois, mais j'ai oublié, qui fumait ferme et qui n'avait jamais l'air de payer. On disait qu'il avait sauvé la vie à Fung Chin après un procès à Calcutta lorsqu'il était avocat. Un autre Eurasien, comme moi, de Madras, une femme métisse et deux hommes qui disaient venir du Nord. Je crois qu'ils devaient être persans, afghans ou quelque chose comme ça. Il n'en reste que 5 vivants maintenant, mais nous venons régulièrement. Je ne sais pas ce qui est arrivé au babou. Quant à la femme de bazar, elle mourut au bout de 6 mois de la porte, et je crois que Fung Ching garda pour lui ses bracelets et son anneau de nez, mais je n'en suis pas sûr. L'anglais, lui, buvait autant qu'il fumait et disparut. Un des persans se fit tuer une nuit dans une bagarre près du grand puits voisin de la mosquée, il y a longtemps de cela, et la police condamna le puits parce qu'on le disait plein d'air empoisonné. On trouva l'homme mort au fond. Ainsi, vous voyez, il n'y a que moi, le Chinois, la femme métisse que nous appelons même Saïb, elle vivait avec Fung Ching, l'autre Eurasien et l'un des persans. La même Saïb a l'air très vieille à présent. C'était, je pense, une jeune femme au premier jour de la porte. Mais nous sommes tous vieux maintenant à ce compte-là, de centaines et centaines d'années. C'est très difficile de garder la notion du temps à la porte. Et d'ailleurs, le temps n'a pas d'importance pour moi. Je touche mes 60 roupies régulièrement, chaque mois, l'un après l'autre. Il y a très, très longtemps, quand je gagnais 350 roupies par mois, avec profit, dans une grande entreprise de bois à Calcutta, j'avais une femme quelconque. Mais elle est morte à l'heure qu'il est. On a dit que je l'ai tuée en me mettant à la fumée noire. Peut-être bien, mais il y a si longtemps que cela n'importe guère. Autrefois, les premiers jours où je venais à la porte, j'avais de la peine en y pensant. Mais tout cela est passé, fini depuis longtemps. Et je touche mes 60 roupies, toujours régulièrement, un mois après l'autre, et je suis tout à fait heureux. Non pas d'un bonheur d'ivrogne, vous savez, mais d'un état tranquille, paisible et satisfait. Comment je m'y suis mis? C'était à Calcutta. Je commençais à en essayer chez moi, rien que pour voir à quoi cela ressemblait. Je n'allais jamais bien loin, mais je crois que c'est à ce moment que ma femme est morte. En tout cas, je me suis retrouvé ici, où je vins à faire connaissance de Fung Ching. Je ne me rappelle pas très bien comment cela est arrivé. Il me parla de la porte, et je pris l'habitude d'y venir, et ce qui est sûr, c'est que je n'en suis jamais ressorti depuis. Il faut vous rappeler que la porte était un endroit respectable autour de Fung Ching, où l'on était confortablement et pas du tout comme au Chandukana où vont les nègres. Non, c'était propre et tranquille, pas encombré. Pour sûr, il y en avait d'autres que nous, disait l'homme. Mais nous avions toujours une natte par terre, avec un oreiller coussin de laine ouatée, tout brodé de dragons noirs, rouges et d'un tas de choses. tout comme sur le cercueil dans le coin. À la fin de la troisième pipe, les dragons se mettaient à danser et à se battre. Je les ai suivis pendant bien des nuits, bien des nuits. Je réglais ma consommation là-dessus, mais maintenant il me faut une douzaine de pipes pour les faire bouger. En outre, ils sont tout en loques et très sales, comme les nattes. Puis le vieux Funchin est mort. Il mourut à 2 ans, et me donna la pipe dont je me sers toujours maintenant, une pipe d'argent avec des bêtes régulières qui rampent tout le long du réceptacle à la base du fourneau. Avant cela, je crois, je me servais d'une grosse tige de bambou à fourneau de cuivre, un tout petit fourneau avec un bout de jade vert. Elle était un peu plus épaisse qu'une tige de canne ordinaire et très douce à fumer. Le bambou semblait boire la fumée. L'argent ne fait pas de même. Il faut le nettoyer de temps à autre, ce qui donne beaucoup de mal, mais je la fume en mémoire du vieux. Il a tiré bon profit de moi, mais il me donnait toujours des nattes et des coussins propres, et la meilleure marchandise qu'on pût se procurer nulle part. Quand il mourut, son neveu, Tsing Ling, reprit la porte, et il l'appela le temple des trois possessions. Mais nous, les vieux, nous disons toujours les 100 000 peines. Le neveu fait les choses de façon très ladre, et je crois que la même Sahib doit l'y aider. Elle vit avec lui comme elle faisait avec le vieux. À eux deux, ils laissent entrer toutes sortes de bas peuples, des nègres et tout, et la fumée noire n'est pas aussi bonne que jadis. J'ai trouvé du son maintes et maintes fois dans ma pipe. Le vieux en serait mort si cela était arrivé de son temps. En outre, on ne nettoie jamais la chambre, et toutes les nattes sont déchirées et coupées sur les bords. Le cercueil est reparti pour la Chine, avec le vieux et 2 onces de fumerie à l'intérieur, pour le cas où il en aurait besoin en route. Quant au bon Dieu, on ne lui brûle plus autant de bâtons sous le nez qu'autrefois. C'est signe de malheur, sûr comme la mort. Il est tout noirci, en outre, et personne ne s'en occupe plus. C'est la faute de même Sahib, je le sais. Car lorsque Tsin Ling se risquait à brûler du papier doré devant l'image, elle dit que c'était du gaspillage, et que s'il faisait brûler un bâtonnet et à tout petit feu, le bon Dieu n'y verrait pas de différence. De sorte que maintenant nous avons des bâtons à 3/4 de colle qui mettent une demi-heure de plus à brûler et qui empoisonnent, sans compter déjà l'odeur de la chambre. Il n'y a pas moyen de faire d'affaires quand on se met à ces machines-là. Le bon Dieu n'aime pas cela. Je m'en aperçois bien. Très avant, dans la nuit, quelquefois, il prend toutes sortes de couleurs bizarres, bleu, vert et rouge, comme au temps où le vieux Funching vivait, et il roule des yeux et frappe du pied comme un diable. Je ne sais pas pourquoi je ne quitte pas la maison pour m'en aller fumer tranquille au bazar, dans une petite chambre à moi. Probable que Tsing Ling me tuerait si je m'en allais. Il touche mes 60 roupies maintenant. En outre, cela me donnerait trop de peine, et je me suis pris à aimer la porte pour de bon. Ce n'est pas grand-chose à voir. Plus du tout ce que c'était au temps du vieux. Mais j'en ai tant vu entrer et sortir que je ne pourrais pas la quitter. Et j'en ai tant vu mourir ici sur les nattes que j'aurais peur de mourir dehors maintenant. J'ai vu des choses qu'on pourrait appeler étranges. Mais rien n'est étrange quand on est à la fumée noire. Rien, excepté la fumée noire. Et même s'il en était autrement, cela ne ferait rien. Funching se montrait toujours très difficile sur le choix des clients et n'en admettait jamais qu'il aurait pu causer du désordre en mourant malproprement ou autre chose. Mais le neveu ne prend pas la moitié autant de soins. Il chante partout qu'il tient une maison de premier ordre, mais il ne fait rien pour attirer le client ni pour lui procurer ses aises comme faisait Funching. C'est pourquoi la porte est un peu plus conflue aujourd'hui qu'elle n'était auparavant. Parmi les nègres, cela va sans dire. Le neveu n'ose pas introduire un blanc, ni même, tant qu'à faire, un sans-mêlé dans la place. Il lui faut nous garder tous trois, naturellement. Moi, la même Saïm et l'autre Eurasien, nous sommes les piliers de la maison. Mais il ne nous fait pas crédit, pas pour une pipée, pas pour rien. Un de ces jours, j'espère, je mourrai à la porte. Le persan et l'homme de Madras sont diablement ébranlés déjà. Ils ont pris un boy pour allumer leur pipe. Je fais toujours cela moi-même. plus que probablement je les verrai emporter avant moi. Je ne pense pas toutefois survivre à Mensahim ni à Tsinlin. Les femmes résistent plus longtemps que les hommes à la fumée noire, et Tsinlin a une bonne pinte du sang du vieux dans les veines, quoiqu'il fume tout de même de la marchandise à bas prix. La femme du bazar a su, 2 jours avant, quand elle allait partir. Elle est morte avec une natte propre, avec un coussin bien ouaté, et le vieux suspendit sa pipe juste au-dessus du bon Dieu. Il avait toujours eu quelque chose pour elle, j'imagine, mais il prit ses bracelets tout de même. J'aimerais mourir comme la femme du bazar, sur une nappe propre, bien fraîche, une pipe de bonne drogue entre les lèvres. Quand je sentirai que je m'en vais, je demanderai cela à Tsinlin, et il pourra toucher mes 60 roupies régulièrement, un mois après l'autre, aussi longtemps qu'il lui plaira. Alors je m'étendrai, bien tranquille et à l'aise, pour regarder les dragons noirs et rouges combattre ensemble leur dernier grand combat. Puis, eh bien, quoi, cela ne fait rien. Rien ne m'importe guère. Seulement, je voudrais bien que Tsinlin ne mette pas de son dans la fumée noire. Lu par Sabine, pour audiocité.net, sous la licence Art Libre.